Le 14 décembre, à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les corbeilles de fleurs envoyées par Henri Mobasakani, secrétaire général du Parti populaire pour le relèvement et la démocratie du Congo démocratique, et Myenté Kiaku, ex-secrétaire général adjoint du parti, ont été déposées devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il érigées sur la colline Mansou.